Aîné, lundi. J'ai perdu des proches, j'ai perdu des sommes. Hey, hey, hey. J'intercepte lundi à Saint-Denis. Histoire de banane, histoire de camas. On a tout pris dans la bijouterie. Sans même un bonjour, sans même un salam. Sans même un salam, j'étais mort à devant. Je suis la méganise, histoire de placard. J'attire les folles et les bobos de Paname. Histoire de coco, je fais gonfler ma salade. Je fais ce qu'il a 3-8, je fais ce qu'il a mon déo. Je fais ce qu'il est Batman, ah ouais. Cartel de Paris, nous c'est pas Cali. Mais y'a de la baille d'Atlan. C'est ta rate qui fait la passe. Les plans sont opérationnels. Aucun bruit, y'a personne qui jette. On fait parler les armes de l'air. J'ai perdu des proches, j'ai perdu des sommes. J'bois un verre, après j'en roule un. Je suis serein, j'connais bien ma poche. C'est même pas la peine de Kuma, tout est réel. Le Gucci, le Fendi, le CZ. Enfant terrible, celui que la patrouille connaît. Connaît bien. Hey. L'argent facile nous a rendu accro. C'est le bonheur que j'ai financé. La rue m'a pas fait de cadeau. La dalle m'a influencé. Faudra plus que des milliers pour me faire oublier, oublier, oublier, oublier, ouais. Pour me faire oublier, oublier, oublier, oublier, ouais. Pour le frigo de la daronne, on se couche, car tu courras pas plus vite que la touche, car beaucoup de soucis, très peu de l'eau, ça. Font les grossistes, c'est des clochards. Mort, les apparences sont trop peu. Depuis tout petit dans la cour des grands, j'ai tout Michel voisin d'à côté. Y'a rien qui m'y dort à la maison. Un CRF rouge et blanc, blanc. Dans la ville on réveille tout le monde. Deux temps ou quatre temps, reste les vents premières, belle au goudron. Des balles à ailettes dans le Zifu. Devant le miroir, je me trouve PG. De ouf, Satan au velours, un nouveau tissu. Quand je faisais TP, j'ai perdu des proches, j'ai perdu des sommes. J'bois un verre, après j'en roule un. Je suis serein, je connais bien ma poche. C'est même pas la peine de Kuma, tout est réel. Le Gucci, le Fendi, le CZ. Enfant terrible, celui que la patrouille connaît. Hey. L'argent facile nous a rendu accro. C'est le bonheur que j'ai financé. La rue m'a pas fait de cadeau. La dalle m'a influencé. Faudra plus que des milliers pour me faire oublier, oublier, oublier, oublier, ouais. Pour me faire oublier, oublier, oublier, oublier, ouais. Faudra plus que des milliers pour me faire oublier, oublier, oublier, oublier, ouais. Faudra plus que des milliers pour me faire oublier, oublier, oublier, oublier, ouais. L'argent facile nous a rendu